Même Le Pen a une femme, mais moi je n'en ai même. Caligula avait une femme, mais moi je n'en ai même. Éric Zemmour a une femme, mais moi je n'en ai même. Mélenchon a une femme, mais moi je n'en ai même. Benjamin Biolay a une femme, mais moi je n'en ai même. Didier Vampas a une femme, mais moi je n'en ai même. Gauthier Courtois a une femme, mais moi je n'en ai même. Mathieu Brogard a une femme, mais moi je n'en ai même. Grégoire Rowe a une femme, mais moi je n'en ai même. Sim avait une femme, mais moi je n'en ai même. Dick Rivers avait une femme, mais moi je n'en ai même. Till Lindemann a une femme, mais moi je n'en ai même. Jean-Pierre Mocky a une femme, mais moi je n'en ai même. Philippe Catherine a une femme, mais moi je n'en ai. Tous les vieux paillassons ont une femme, mais moi je n'en ai. Tous les donneurs de leçons ont une femme, mais moi je n'en ai même. Antonin Clotho a une femme, mais moi je n'en ai même. Nico Esca a une femme, mais moi je n'en ai même. Quentin Rouchet aura une femme, mais moi je n'en ai même. N'importe quel comptable a une femme, mais moi je n'en ai. Tous les crétins de l'espace ont une femme, mais moi je n'en ai même. Dany Desrues a une femme, mais moi je n'en ai. Faut dire qu'il avait une belle voix, mais moi je n'en ai.